1 Chronique, chapitre 7. Fils d'Issacar, Tola, Pua, Jashub et Shimron, 4. Fils de Tola, Uzi, Rephaja, Jériel, Jacmaï, Jibzam et Samuel, chefs des maisons de leur père, de Tola, vaillants hommes dans leur génération. Leur nombre, du temps de David, était de 22 600. Fils d'Uzi, Jizrajja. Fils de Jizrajja, Michaël, Abdias, Joël, Jishija, en tout 5 chefs. Ils avaient avec eux, selon leur génération, selon les maisons de leur père, 36 000 hommes de troupes armées pour la guerre, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issacar, hommes vaillants, formaient un total de 87 000 enregistrés dans les généalogies. Fils de Benjamin, Béla, Béker et Jédiaël, 3. Fils de Béla, Hetzbon, Uzi, Uziel, Jérimoth et Iri, 5 chefs des maisons de leur père, hommes vaillants, et enregistrés dans les généalogies au nombre de 22 034. Fils de Béker, Dzemira, Joash, Eliezer, Eljoénaï, Omri, Jérémoth, Abija, Anatot et Alamet, tout cela fils de Béker, et enregistrés dans les généalogies selon leur génération comme chefs des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 20 200. Fils de Jédiaël, Bilhan. Fils de Bilhan, Jush, Benjamin, Ehud, Kenaana, Zétan, Tarsis et Akishachar. Tout cela fils de Jédiaël, chefs des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 17 200, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Shupim et Upim, fils d'Ir, Ushim, fils d'Asher. Fils de Nephtali, Jatsiel, Guni, Jetser et Shalem, fils de Bila. Fils de Manassé, Azriel, qu'enfanta sa concubine syrienne, elle enfanta Makir, père de Galaad. Makir prit une femme de Upim et de Shupim. Le nom de sa sœur était Maaka. Le nom du second fils était Tselophshad, et Tselophshad eut des filles. Maaka, femme de Makir, enfanta un fils et l'appela du nom de Péresh. Le nom de son frère était Shéresh, et ses fils étaient Ulam et Rekem. Fils d'Ulam, Bédan. Ce sont là les fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé. Sa sœur Amoléket enfanta Ishod, Abiezer et Makla. Les fils de Shemida étaient Akjan, Sichem, Likshi et Aniam. Fils d'Éphraïm, Chutelar, Béred, son fils. Tachat, son fils. Eléada, son fils. Tachat, son fils. Zabad, son fils. Chutelar, son fils. Ézer et Éléade. Les hommes de Gath, nés dans le pays, les tuèrent, parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il alla vers sa femme, et elle conçut et enfanta un fils. Il l'appela du nom de Béria, parce que le malheur était dans sa maison. Il eut pour fille Shéhéra, qui bâtit Beth-Horon la basse et Beth-Horon la haute, et Uzen Shéhéra. Réphar, son fils, et Réchef, Télar, son fils, Tachan, son fils, Laédan, son fils, Amihud, son fils, Elishama, son fils, Nun, son fils, Josué, son fils. Ils avaient en propriété et pour habitation Bethel et les villes de son ressort, à l'Orient, Naharan, à l'Occident, Gezer et les villes de son ressort, Sichem et les villes de son ressort, jusqu'à Gaza et aux villes de son ressort. Les fils de Manassé possédaient Beth-Shéan et les villes de son ressort, Tanakh et les villes de son ressort, Megiddo et les villes de son ressort, Dor et les villes de son ressort. Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les fils de Joseph, fils d'Israël. Fils d'Azer, Jimna, Jijva, Jijvi et Beria, et Sérac, leur sœur. Fils de Beria, Héber et Malkiel. Malkiel fut père de Birzavit. Et Héber engendra Japhlet, Shomer et Otam, et Shua, leur sœur. Fils de Japhlet, Pazak, Bimal et Ashvat. Ce sont là les fils de Japhlet, fils de Shamer, Aki, Roéga, Uba et Aram, fils d'Elem, son frère, Tsophak, Jimna, Shelesh et Amal, fils de Tsophak, Suar, Arnéfer, Shual, Beri, Jimra, Betser, Hod, Shama, Shilsha, Jitran et Beera, fils de Jeter, Jephuné, Pispa et Ara, fils d'Ulla, Arak, Haniel et Ridja. Tout cela était fils d'Azer, chef des maisons de leur père, homme d'élite et vaillant, chef des princes, enregistré au nombre de 26 000 hommes, en état de porter les armes et d'aller à la guerre.